vers toi j'élève mes yeux. Toi qui sièges dans les cieux, comme les yeux des serviteurs vers la main de leur maître, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Nous sommes rassasiés de mépris, rassasiés des moqueries des orgueilleux. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, aie pitié de nous, Éternel.